de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, pour une nouvelle émission d'Autour de vous, je reçois Antoine dans nos studios. Antoine, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va super, merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vous remercie d'avoir accepté d'être venu ici. Alors, comme à l'école, je vais vous demander de vous présenter. Bon, à défaut d'être au tableau, vous êtes dans le studio invité. Alors, qui êtes-vous, Antoine ? Alors, moi, c'est Antoine Claudel. Je suis brasseur depuis maintenant 3-4 ans, je dirais, pour la brasserie Marie-Thérèse. Donc, une petite brasserie, petite fabrication de bière artisanale sur les hauteurs de Remiremont. Où on fabrique l'intégralité de nos bières à l'eau de source, l'eau Marie-Thérèse. Voilà, voilà. Alors, depuis quand est-ce qu'elle existe, la Marie-Thérèse ? Alors, l'histoire est un petit peu compliquée. À la toute base, c'est un peu... Enfin, ça l'est toujours, mais c'est un projet familial. C'est mes parents qui habitent dans ce même quartier qui avaient un problème d'eau. Et donc, ils avaient racheté la ferme où on fabrique aujourd'hui. Plutôt par nécessité parce que avec cette ferme il y a donc les sources, la ferme est propriétaire des sources, donc ils avaient acheté par besoin d'eau et il fallait bien faire quelque chose de la structure. Donc au fur et à mesure il y a un peu de bière qui a été fabriquée, donc dans les années 2014-2015 à peu près, et au fur et à mesure ça s'est professionnalisé. Il y a mon oncle qui a travaillé un petit peu dedans pour remplacer tout ça parce que mes parents c'était pas leur métier principal, on va dire. Et au fur et à mesure, j'ai pris des études dans l'agroalimentaire. J'y travaillais un peu mes vacances, mes week-ends. Et au fur et à mesure, j'y suis rentré à plein temps, il y a environ 3 ans maintenant, comme je vous le disais. Alors, pourquoi elle s'appelle la Marie-Thérèse ? On parlait des sources. La source qu'on utilise pour brasser se nomme Marie-Thérèse. Il y a tout un côté un peu historique derrière ça. À la base de la base, Marie-Thérèse, c'est la petite histoire qu'on met à chaque fois sur nos bouteilles, c'était la fille de Marie-Antoinette, et si je ne me trompe pas, de Louis XVI. Elle venait souvent dans les Hautes-Vosges, plus particulièrement vers Plombières, pour aller prendre les eaux, comme on disait, à Plombières-les-Bains, ouais. Et elle s'est retrouvée un jour à inaugurer la fontaine des Dauphins à Remiremont. Et à l'époque, cette fontaine, c'était l'eau de notre source qui l'alimentait. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas, mais du coup, la source avait pris le nom de cette fameuse Marie-Thérèse. On trouvait le côté historique sympa, et les filles, les femmes sont pas forcément trop représentées dans la bière, ou alors pour des blagues un peu potaches, des choses un peu lourdingues. Donc c'était assez sympa, ouais, d'avoir le côté féminin dans le projet, quoi. Voilà. Alors, elle se situe où, la brasserie, la Marie-Thérèse ? Alors, comme je le disais plus tôt, on est sur les hauteurs de Remiremont. Il y a deux moyens d'y accéder. Soit il faut passer par le Rumont, donc la cité sur les hauteurs de Remiremont. Vous traversez le Rumont et au-dessus, vous avez un petit quartier champêtre, le quartier des Genêts, où vous avez donc une ancienne ferme. C'est ici, de toute façon, c'est un peu indiqué. Soit vous passez par la piscine et avant de prendre les premiers lacets du Peutet pour monter vers le Val d'Ajol, vous avez une petite route qui bifurque à 180 degrés, une petite patte d'oie, pareil, qui permet d'arriver à ce même quartier, en gros du gros, situé entre le Rumont et le fort du Parmont. C'est quoi une brasserie ? C'est quoi une brasserie ? Alors, je sais pas si je pourrais définir une brasserie en général. Enfin, je pense que chacun a un peu son projet en tête. Nous, on pourrait dire que c'est brasser tous les jours des bières qui nous ressemblent, qui nous plaisent, essayer de faire les meilleurs produits possibles. Et je pense c'est très simple, hein. Mais je pense que le projet, ouais, il est facilement explicable comme ça. Juste brasser des bières qui nous ressemblent, qu'on aime faire. Et puis prendre plaisir à travailler, surtout, c'est l'important, je pense. Voilà. Alors, la Marie-Thérèse, à la base, c'est une brasserie qui a Remiremont, mais est-ce que vous en avez d'autres, enfin, avec la marque Marie-Thérèse, est-ce qu'elle est ailleurs dans les Vosges ou pas ? Alors non, on fabrique exclusivement, uniquement à Remiremont. On n'a qu'un seul atelier de production. De toute façon, la brasserie est vouée à rester à une taille vraiment artisanale et on a un gros facteur limitant, ce qui sera dans tous les cas la source. Elle n'est pas non plus immense et même si on achetait beaucoup de matériel, ça comblerait pas ce problème. Donc non, on fabrique exclusivement à Remiremont et ça restera très très certainement comme ça, une petite production artisanale et c'est ça qu'on aime faire et ça le restera, je pense. Est-ce que c'est des bières 100% vosgiennes ? Alors, 100% vosgienne, dans le cœur, oui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué de fabriquer un produit exclusivement vosgien, mm-hmm. Dans le sens où ben, y a tellement de choses qui la composent quand on regarde bien, que ce soit les bouteilles qui vont être compliquées à voir dans le coin, le malt, le houblon qui va être compliqué à trouver aussi. On essaye un maximum de travailler français et un maximum de travailler au plus proche de chez nous, on va dire. Mais excepté l'eau qui est à 100% vosgienne et parfois pour des bières éphémères qui peuvent être travaillées avec des houblons vosgiens, on ne peut pas dire qu'elle soit 100% vosgienne. Mais en tout cas, ceux qui la fabriquent et l'eau qui la compose à 90% passée, elle est 100% vosgienne. Est-ce qu'on peut visiter la brasserie La Marie-Thérèse à Remiremont ? Ouais, vous pouvez visiter, il n'y a aucun problème. Alors, en ce moment, je suis tout seul à travailler dedans, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler ou même à réserver directement sur notre site internet. Il y a un onglet qui est spécialement dédié pour. Mais c'est plutôt fin de semaine, les vendredis, fin d'après-midi et les samedis. Mais ouais, les visites sont gratuites. Ça dure, bon, ça va dépendre de la curiosité des gens, mais ça peut durer d'une à deux heures, on va dire. Et voilà, n'hésitez pas à réserver. Est-ce qu'il y a des horaires précis pour y aller ou pas ? Alors, quand ça va être exclusivement pour acheter nos produits, parce qu'on a une petite boutique sur place, il n'y a pas réellement d'horaire dans la semaine. La majeure partie du temps, je vais être là du lundi au samedi, de 7h à environ 17h le soir, enfin en fin d'après-midi. Donc, vous pouvez passer à n'importe quel moment de la journée, je serai là et je m'occuperai de vous. Voilà. Est-ce que vous proposez des dégustations aux visiteurs ou pas ? Dégustations, on n'en fait pas, on n'en fait plus. Il y a toujours ce petit problème de percer un fût et on ne sait pas si on va le finir dans la semaine ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi plutôt le système visite gratuite. Les gens peuvent acheter s'ils veulent de la bière derrière. Mais on préfère ce système-là parce que les dégustations, ouais, c'est un peu compliqué. Puis avec l'époque Covid, tout ça qu'il y avait eu, on avait perdu l'habitude et aujourd'hui, on ne le fait plus. D'accord. Alors, nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi avant de parler de la bière, de sa fabrication, etc. Et on se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my die. I tell you, I Nous revoilà avec Antoine sur les ondes de Radio Gémozo pour parler de bière. Alors Antoine, comment se fabrique la bière ? La fabrication de la bière, c'est très facile de fabriquer de la bière. Après, d'en fabriquer de la bonne, c'est un peu plus compliqué. Mais traditionnellement, en tout cas, on va commencer avec ce qu'on appelle l'empattage. Ça va être tout simplement le mélange de l'eau, donc nous en l'occurrence l'eau de source Marie-Thérèse, avec du malt qu'on a préalablement concassé. Ça c'est juste pour une question de rendement, si vous voulez. Et on va faire l'empattage, donc une chauffe assez longue, progressive, à différents paliers de température, dans l'objectif d'extraire le moût. Ce qu'on appelle le moût, ça va être un jus sucré doré qui sera ultérieurement fermenté pour donner la bière. Une fois que ça c'est fait, on va séparer le malt de notre moût avec une cuve de filtration. Tout ce qui est malt épuisé, ce qu'on va nommer les drèches, nous on travaille avec la ferme Petit Jean à Olichan, on leur donne tout et ils s'en servent pour nourrir le bétail. Une fois que c'est fait, on va faire. Alors on va tout envoyer dans ce qui s'appelle une cuve Whirlpool, ça nous permet de séparer encore tout ce qui peut rester de solide, on va dire, dans notre brassin, comme des restes de malt ou du houblon qu'on a mis à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, on va mettre en fermenteur pendant de 2 semaines à 1 mois, 2 mois, selon les types de bière. Et après, on passera à l'étape finale, qui est l'embouteillage. C'est fait à base de blé, non ? Le malt, l'orge, tout ça, c'est du blé ? Ouais, alors, malt, on parle toujours de malt, mais c'est le terme générique. On peut utiliser n'importe quelle céréale, en fait, qui va être riche en amidon, car c'est l'amidon qu'on va transformer en sucre. Donc, ça peut être de l'orge, ça peut être du blé, ça peut être de l'avoine, du riz, ça peut être vraiment n'importe quelle céréale, donc riche en amidon. Voilà. Est-ce que c'est vrai que la levure de bière, ça a des bienfaits, par exemple, sur la santé ? Ouais, on parle souvent de ça, effectivement. Alors, c'est surtout connu pour ses bienfaits pour la peau, les ongles, les cheveux. Mais c'est sûr que, en soi, avec modération, évidemment, mais une bonne bière artisanale, ça va pas être mauvais pour la santé. Au contraire, on va retrouver pas mal de choses bonnes à l'intérieur, surtout pour les refermentations en bouteille comme on pratique nous, où vous allez avoir quand même un beau lit de levure dans la bouteille qu'on vous conseille de boire. C'est assez sympa et ça vous rendra vos cheveux et vos des beaux cheveux et des beaux ongles, on va dire. Est-ce que chacune de vos bières a ses propres ingrédients ? Ouais, chacune de nos bières a ses propres ingrédients. En fait, on va toutes les bières qu'on va faire au préalable, on va partir d'une feuille blanche et on va créer une recette vraiment sur mesure. C'est ça qui est très intéressant dans la bière, c'est que on peut vraiment jouer sur toutes les particularités, tous les goûts, tout ça, la taille des bulles, l'amertume, la couleur, et tout ça, on le fait avant sur papier, en choisissant les ingrédients, en calculant les doses qu'on va utiliser. Et à chaque fois, on arrive plus ou moins, mais c'est souvent assez précis, à avoir ce qu'on avait sur papier, à l'avoir sur le produit final. Donc ouais, sur chaque bière, une blanche par exemple va être plus composée de malt de blé, au contraire d'une blonde très douce, très simple, qui sera plutôt composée d'orge, pour un exemple. Mmh. La fabrication de bière existe depuis des siècles. Est-ce que vous utilisez les mêmes façons de travailler ou est-ce que ça s'est modernisé avec le temps ? Évidemment, ça s'est modernisé, bien sûr. Alors, au niveau matériel, ça sera, bon, que ce soit au niveau de la chauffe ou ça sera maintenant électrique ou au gaz, alors qu'à l'époque, c'était avec des feux. On a beaucoup plus de cuves différentes qui ont chacune une spécificité propre, alors qu'à l'époque, je suppose qu'ils avaient une cuve à brasser puis ils se débrouillaient pour tout faire dedans. Et après, sur... les types d'ingrédients utilisés ont évolué avec le temps. Hein. On connaissait la cervoise en France, là, ils ne mettaient pas de houblon. Aujourd'hui, la bière sans houblon, c'est pas de la bière. D'accord. tout a évolué. La manière dont on fabrique, les ingrédients eux-mêmes, le matériel, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec avant. On retrouve, avec l'explosion des brasseries artisanales maintenant en France et même dans le monde, hein, on peut dire, chacun ajoute sa petite pierre à l'édifice. Les brasseurs font preuve de plus en plus d'ingéniosité et vraiment, du coup, on a un produit qui commence réellement à plus rien à voir avec la bière comme on la connaît, la Kronenbourg de base, on va dire. Et aujourd'hui, on a vraiment des choses qui se dégustent et qui sont très agréables à boire. Voilà. Oui, parce qu'avant, c'était vraiment la bonne grosse bière chez l'aubergiste. Voilà, c'est ça. Bah, après, c'est toujours très agréable d'avoir, comme on dit, la bière de soif. On a tendu la pelouse, c'est très agréable quand il fait chaud. C'est vrai qu'avoir un bon produit qui se déguste réellement dans des bons verres, c'est quand même très, très sympa. Alors, il existe plusieurs couleurs de bière. Il y a ambrée, blonde, blanche, brune. Est-ce qu'il y en existe d'autres ? Alors, si vous voulez, des styles de bière, ouais, il y en a vraiment une multitude. On va dire que blanche, ambrée, blonde, rousse, ces choses-là, c'est vraiment la bière comme on la connaît, qui commence d'ailleurs à être assez ancienne maintenant. Mais il y a des centaines et des centaines de styles et sous-styles qui ont des noms un peu à rallonge qu'on va pas citer. ça parlerait à personne, mais oui, il y a plein de styles différents. Alors, est-ce que vous utilisez du colorant pour faire de la bière ambrée, blonde ou blanche ? Comment ça se fait la couleur de la bière en fait ? Alors des colorants surtout pas non, toute la couleur de la bière en fait va venir alors en premier lieu des types de malt, donc de céréales qu'on va utiliser. Si vous voulez, dans le processus de maltage, il va y avoir aussi ce qu'on appelle le touraillage, c'est ni plus ni moins qu'une torréfaction, et ils vont plus ou moins faire griller les malts en question. Et en fonction des quantités qu'on va utiliser de chaque, on va pouvoir plus ou moins brunir la bière. Pareil, si on le calcule à l'avance, on va appeler ça l'EBC. On va le calculer en fonction de ce qu'on met à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui va jouer à 99% pour la couleur. Et après, on va avoir toutes des réactions non enzymatiques, des réactions de Maillard pendant la chauffe, qui vont faire que ça va forcément brunir avec le temps, avec la température et le temps de cuisson. Est-ce qu'il y a un temps de macération quand vous fabriquez de la bière ou pas ? Il va y avoir une fermentation. Mm-hmm. Les macérations pendant la fabrication, excepté pendant les filtrations où on va laisser vraiment un peu le liquide se sédimenter pendant 2-3 heures. Pendant la fabrication, il n'y en a pas vraiment. À chaque fois que ça macère, entre guillemets, on va avoir des chauffes ou des choses utiles pour la suite. Et après, la vraie macération que nous, on appelle fermentation, ça va être à la toute fin de la fabrication, quand on va ajouter les levures, et qui va durer plusieurs semaines, comme je le disais au début. Est-ce que vous utilisez des machines pour mettre la bière dans les bouteilles ? Parce que vous en produisez beaucoup, j'imagine, ou c'est vous qui le faites vous-même ? Alors, pendant un long moment, on a tout embouteillé à la main. Aujourd'hui, fort heureusement, ce n'est plus le cas. On a une embouteilleuse. Une embouteilleuse qui nous permet donc maintenant de faire de la 33 centilitres. Avant, on n'en faisait pas, c'était beaucoup trop long. Ça nous permet de faire environ 1600 bouteilleurs en 33 et environ 1000 bouteilleurs en 75 centilitres. C'est le dernier matériel qu'on a acheté et ça nous change bien la vie. Ouais, j'imagine, parce que ça devait prendre un temps fou avant. Ouais, c'était très long. Ça prenait la journée en entier, alors qu'aujourd'hui, en une demi-journée, même pas, c'est embouteillé et en plus de ça, étiqueter, dater, tout ce qu'il faut. Quoi. Alors qu'avant, il fallait déjà embouteiller, après réétiqueter, tout le bazar. Là, tout est fait en une demi-journée et ça nous permet de prendre plus de temps, que ce soit pour la recherche des futures recettes, pour les livraisons, pour s'occuper aussi des clients. C'est important. Merci à cette petite nouvelle machine. Vous faites différents formats de bouteilles. Alors, est-ce que vous faites entre 25 centilitres et il y a aussi des bouteilles d'un litre, mais je ne sais pas si vous les faites ou pas. Alors, des bouteilles, on va dire 1, 2 litres, les gros formats, on en fait de temps en temps, plutôt dans les périodes hivernales, pour des bières de Noël, des choses comme ça. Donc c'est à un moment dans l'année. La 25 centilitres, on a quelques demandes parfois, mais déjà, bon, évidemment, ça serait encore plus long à embouteiller. Mmh. Et aujourd'hui, avec le prix des bouteilles qui explose, des choses comme ça, plus c'est petit, plus ça coûte cher à faire, et donc pour le consommateur, à la fin, plus il va payer sa bière chère. Donc on voit pas grand intérêt à fabriquer de la 25 centilitres aujourd'hui. On préfère proposer de la 33. C'est aussi plus simple pour nous après pour la production, parce que si on doit gérer des stocks sur de la 25, de la 33, de la 75, après on s'en sort plus, on suit plus les demandes. Donc on préfère se limiter à deux formats de bouteilles. Alors comment vous déterminez le degré d'alcool dans les bouteilles ? Alors le degré d'alcool, si vous voulez, on va utiliser ce qui s'appelle un densimètre, et on va mesurer notre densité pendant le brassin. Donc en fait, un densimètre, c'est une espèce de petite bouteille en verre qu'on va plonger dans notre moût, et en fonction du taux de sucre qu'il y a à l'intérieur, il va plus ou moins flotter. Cette mesure qu'on a pendant le brassin, ce sera notre densité, ce qu'on appelle densité initiale. On va reprendre une mesure à la fin de notre fermentation. Les levures pendant cette fermentation auront grignoté les sucres fermentés cibles, la densité va donc diminuer, et une fois qu'on aura notre densité finale, avec ces deux densités, on peut calculer combien de sucre les levures ont en mangé grossièrement, et grâce à ça on peut déterminer le degré d'alcool. Les Belges et les Allemands sont réputés pour être de grands amateurs de bière, est-ce que vous en recevez beaucoup à la brasserie ? Ouais, on reçoit pas mal de Belges, surtout des Belges d'ailleurs. Les montagnes vosgiennes, en fait, pour les Belges, c'est un peu le plus proche qu'ils aient. Donc, ils viennent beaucoup. On a souvent de bons retours avec eux. Et c'est toujours agréable de parler avec eux parce qu'ils s'y connaissent beaucoup. Ils dégustent beaucoup de choses chez eux. On fait pourtant pas vraiment de la bière qui ressemble à la bière belge, dans le sens où, si vous voulez, l'eau est très importante pour brasser une bière, elle va déterminer beaucoup de choses, et notre eau est très très douce, elle nous permet pas de faire des bières fortes comme les bières belges. On aurait plutôt des bières qui pourraient être comparées à des bières allemandes, mais on a souvent des bons retours de nos amis belges, qui sont invités bien évidemment à venir à la brasserie. Est-ce qu'il existe des différences entre les bières françaises, allemandes et belges ? Comme je l'ai dit un petit peu avant, les Belges... Alors évidemment, avec maintenant le nombre de recettes incroyables qu'on peut trouver, peut-être que ces différences s'atténuent un peu, mais originellement, on va dire que les Belges, c'est plutôt des bières qui sont quand même assez fortes en alcool, assez charnues, un peu comme la bière d'abbaye qu'on connaît traditionnellement. Les Allemands, eux, sont plutôt connus pour des bières de blé légères, douces, ce qu'on a plus tendance à faire, nous, à la brasserie. Alors, il existe sur le marché des bières aux fruits rouges. Est-ce que vous en fabriquez, vous aussi ? Des bières aux fruits, on en a, ouais. On a une bière à la Brimbelle, donc celle-ci qui est une bière où on va rajouter du jus de Brimbelle à l'embouteillage. Une bière qui est très appréciée des touristes. Et on va en avoir une autre qui est un peu plus spéciale, qui va faire partie de notre gamme plus dégustation, on va dire. C'est une blanche qui est fermentée avec de la bergamote et du gingembre. Là, on travaille totalement différemment. Il va vraiment y avoir deux fermentations, une avec uniquement la bière. Et après ça, on va la changer de fermenteur, rajouter 10 kg de fruits de chaque, et on va relancer la fermentation avec les fruits. Donc, il ne faut vraiment pas s'attendre à une bière qui ait des sucres résiduels ou autre. C'est vraiment un produit qui est quand même un peu plus charnu, un peu plus complexe, avec un peu plus d'alcool, forcément, avec le fructose du fruit. Mais on a des très bons retours dessus, donc on est content. Et pour l'instant, c'est les deux seules bières fruitées qu'on propose à la brasserie. Ça ne doit pas être facile de doser pour pas que le fruit prenne le dessus sur le goût de la bière. Tout ça, c'est des choses, au final, c'est les limites des calculs dont on parlait précédemment. Quand on fait une recette, combien de fruits ajouter, on ne peut pas vraiment savoir. Donc ça, on touche, on essaye, on fait les petits cuistots et on fait des tests. Après, tout l'intérêt d'utiliser des fruits était aussi quand même de les sentir, que ça fasse une bière qui soit quand même fruitée. On peut parfois utiliser de l'orange ou autre dans l'optique d'amériser la bière ou des choses comme ça, mais pour pas véritablement sentir le fruit. Mais là, pour notre bergamote gingembre, le but était vraiment que ça fasse une bière quand même fruitée. Donc on a mis des bonnes doses aussi pour ça, quoi. Alors justement, avant de faire les tests, est-ce que des fois ça donnait pas un goût amer à la bière de mélanger les fruits avec ? Si, ça peut donner un goût amer, donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention, surtout aux peaux, ça va être surtout les peaux des fruits qui vont être amers. En l'occurrence, pour la bergamote, on va avoir le zeste et le ziste. on en retire une bonne partie, on en met un petit peu quand même pour conserver cet équilibre, parce que étant donné que l'alcool dans le produit final augmente, on est obligé quand même d'avoir une petite amertume pour équilibrer tout ça. On a une eau qui est également un petit peu acide, donc c'est important de vraiment avoir de tout pour avoir un produit équilibré. Alors certains disent que la bière sans alcool, ce n'est pas de la vraie bière, vous en pensez quoi ? On a aujourd'hui des brasseries qui font des bières sans alcool qui sont réellement très très bonnes. Aujourd'hui, légalement, bière sans alcool, ça va être les bières qui ont moins de 1,2% d'alcool, je crois. Donc aujourd'hui, une bière qui a 1% d'alcool, si, c'est une bière, il y a tous les ingrédients qui la composent, je vois pas pourquoi ça n'en serait pas. Et il y en a des très bonnes, mais je pense qu'ils veulent parler des bières, on va dire, de très grosses brasseries où il y a vraiment très très peu d'alcool. Là, j'aurais tendance à être d'accord avec eux parce qu'il y a tous des procédés vraiment beaucoup plus industriels la fabrication n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaît, enfin celle que les petites microbrasseries utilisent, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment 0% d'alcool dans une bière sans alcool ? Parce que quand on va dans les supermarchés, c'est vraiment marqué 0% d'alcool, mais il doit quand même y avoir un petit peu ou pas ? Oui, il y en a quand même un petit peu. Alors, je ne saurais pas vous donner exactement combien, mais pareil, il me semble qu'on peut jouer un petit peu avec les lois, tout ça, parce que 0,3% d'alcool doit être considéré comme zéro. Il y a des choses comme ça. Après, il va y avoir vraiment des produits qui s'éloignent encore plus de la bière. Je penserais à tourtelle, des choses comme ça. Et là, il me semble qu'il n'y a vraiment pas d'alcool. Mais il n'y a vraiment pas de bière non plus, quoi. D'accord. Alors, est-ce que le goût est différent par rapport à une bière normale ? Souvent, le goût va quand même être différent. Et les problèmes récurrents qu'on a, en tout cas pour des petits fabricants qui essayent de faire des bières très faibles en alcool, voire considérables sans alcool, on a souvent des problèmes, surtout qui va être au niveau de l'équilibre de la bière. L'alcool équilibre beaucoup de choses et sans alcool, on se retrouve parfois avec des produits qui sont considérés comme flotteux ou sans saveur. Est-ce que vous en fabriquez ? Alors, on n'en fabrique pas, mais, et c'est peut-être le bon moment pour en parler, on va modifier notre bière blonde de base très prochainement et ça sera une bière où on va diminuer le degré d'alcool. On devrait descendre aux environs de 3 degrés, 3-4 degrés max. Mais on n'irait pas en dessous parce que déjà, on n'aurait pas le matériel pour le faire. On a quand même envie de conserver le produit un peu festif qui est la bière. Et 3 degrés, ça nous paraît être un bon compromis. Alors, j'ai vu dans les supermarchés qu'il y a des bières à 16 degrés. C'est vraiment énorme. 16 degrés, ça commence à faire, ouais. Après, ils vont utiliser des souches de levure un peu différentes qui sont capables de supporter l'alcool. Nous, par exemple, à la brasserie, si on voudrait faire, du moins avec les souches de levure qu'on utilise, si on voudrait faire des bières avec tant d'alcool, on ne pourrait pas vraiment parce qu'en fait, elles s'autodétruiraient avec l'alcool qu'elles produiraient. Donc, c'est pas possible. Mais il y a même au-delà de 16 degrés, hein, parce que maintenant il y a vraiment des guerres entre brasseries pour qui aura la bière la plus forte au monde. Mm-hmm. Mais on a des bières qui montent à 60-70 degrés. Donc là où ils vont utiliser vraiment d'autres méthodes de fabrication, ils peuvent cryogéniser la bière pour retirer l'eau et donc concentrer l'alcool, plein de choses comme ça. Mais oui, il y a une guerre de la bière la plus forte et je crois qu'elle est détenue en ce moment par une brasserie irlandaise, si je ne me trompe pas, qui a une bière aux alentours de 70 degrés, ouais. Et 70 degrés, c'est à peu près le même degré d'alcool que dans le whisky, je crois. C'est même plus. je crois que c'est plus, hein, le whisky, on est aux alentours de... Oh, les spiritueux, je crois que c'est 40-50 peut-être. Là, 70, ça commence à être très très fort. J'ai déjà eu l'occasion de voir une des bouteilles. Il y a carrément des petites collerettes avec attention, consommer avec prudence. C'est des produits qui sont carrément dangereux. Mm-hmm. C'est des produits qui coûtent aussi très très cher parce que avec énormément de bière, ils la concentrent tellement qu'on obtient peu de produits. Et donc c'est des produits, ouais, qui se vendent. Il me semble que j'avais trouvé une 33 centilitres qui était aux alentours de 60-70 euros la bouteille. Donc, ah oui. Ouais, on est sur des produits assez onéreux quand même. Ça doit faire un peu mal à la tête quand même, autant de degrés. Je pense que oui. Je vous avoue que j'ai pas goûté, j'ai pas osé. Mais je pense que ça doit être... le lendemain doit pas être très, très agréable, c'est sûr. Alors on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. Alors est-ce que vous faites des bières pour des événements spéciaux comme Noël par exemple ? Ouais, on a une bière chaque année, on a une bière hivernale. Là cette année d'ailleurs, je l'ai brassée hier. On est parti, du moins pour cette année, sur une bière ambrée qu'on a brassée avec du malt fumé. Donc on verra ce que ça donne. Et elle sera après infusée avec un peu les épices de Noël qu'on connaît, les épices pain d'épices, si vous voulez. Et avec un houblon français qui va infuser aussi avec, à froid pendant la fermentation. Un houblon français qui va nous donner normalement des petites notes de fruits noirs, fruits rouges. Donc ça devrait être assez sympa. On est pressé de pouvoir la faire découvrir à nos clients et d'avoir les premiers retours qui tombent. Est-ce que l'ambrée, la blonde ou la brune, par exemple, a un degré d'alcool différent par rapport aux autres ? Alors oui, normalement, selon le type de bière qu'on produit, on va avoir des degrés d'alcool qui vont changer. Je vais me répéter, mais encore une fois, c'est pour une question d'équilibre, beaucoup. Quand vous allez fabriquer une bière blanche très légère, que vous voulez boire en été, qui passe toute seule, il ne va pas falloir 8 ou 9 degrés d'alcool, parce que bah, vraiment, ça en deviendrait amer, astringent, ça ne serait vraiment pas agréable. Alors qu'au contraire, une bière brune, par exemple, qui va être beaucoup plus épaisse en bouche, avec beaucoup plus de sucre résiduel, qui sera beaucoup plus torréfié, il va falloir justement de l'alcool pour un peu... chauffer tout ça, camoufler tout ça et avoir un produit qui va se déguster avec plaisir, quoi. Est-ce que chaque brasserie a sa méthode de fabrication ? Je pense que la différence se ferait beaucoup plus sur sa méthode de conception de la recette, sa vision de la bière, que sur la fabrication. On a tous du matériel qui est sensiblement différent, mais la fabrication reste plus ou moins la même. Je pense que vous pouvez interroger n'importe quel brasseur, il vous expliquerait comment on fabrique de la bière de la même manière que moi je le ferais. Nous continuerons de parler de la bière La Marie-Thérèse juste après ces deux pauses musicales. On vous laisse donc avec Nora Jones et Dave Brubeck sur Radio Gemozo. Cover down, won't begin. Nous voici de retour avec Antoine via le 107 FM ou par les applications mobiles Orange Radio et Radio Line. Vous pouvez nous emporter partout via la plateforme Deezer. Alors Antoine, comment est-ce qu'on peut acheter vos bières ? Alors, tout simple, on peut passer à la brasserie, on a un magasin sur place. Après sinon, il va falloir aller sur nos magasins partenaires. Sur les Hauts-de-Vosges, on va être présent à La Bresse, Gérardmer, Remiremont. Surtout avec les supermarchés, les Super U en l'occurrence. Et après, on va travailler petite boutique artisanale. Parfois, vous pouvez nous retrouver sur des festivals, des choses du genre. Avant, on travaillait avec les Sapins Barbus. Bon, malheureusement, maintenant, c'est fini, ils ont arrêté. Chaque année, en août, on pouvait boire de la Marie-Thérèse en pression là-bas. Mais ouais, sinon, les petites boutiques du coin, voilà. Est-ce qu'elles sont disponibles que dans votre brasserie, les bières ? Parce que vous disiez qu'elles sont dans les grandes surfaces, mais est-ce qu'on peut les trouver ailleurs ? Ouais, vous retrouvez nos bières dans tout ce qui va être caviste, boutique artisanale. Les bars, on travaille peu avec les bars parce qu'au niveau des fûts, on a un peu de mal à suivre. Mais les bars, ça va être beaucoup Little Pub à Remiremont. Après, ça va être plutôt vers Nancy pour les bars. Restaurant un petit peu, pareil, là on est plutôt sur les grosses villes aux alentours. Et ouais, vraiment sur les Vosges, ça va être tout simple, les petits cavistes, les grandes et moyennes surfaces, et les petites boutiques de produits artisanaux, voilà. Est-ce que l'on peut acheter les bières dans la brasserie ? Oui, on a une petite boutique sur place, ouverte toute la semaine, qui suit mes propres horaires de travail. Est-ce qu'on peut les acheter en ligne ? Alors, récemment, on a enfin fini. Depuis le site internet, vous pouvez commander toutes nos bières partout en France. Ça sera livré en point relais, près de chez vous, donc. Toutes nos bières, normalement, sont disponibles dessus. Excepté tout ce qui va être coffret, les verres, tout ça, parce que pendant le transport, ça peut casser. Mais toutes nos bouteilles, tous nos formats, hein, 75 ou 33 centilitres, en commande par internet, c'est enfin disponible, ouais. Alors, comment vous est venue l'idée de mettre vos bières en vente sur Internet ? Aujourd'hui, la vente par Internet, on va dire que c'est quasiment obligatoire. Ça fonctionne de plus en plus. Et on avait de la demande, quoi. On avait beaucoup de touristes qui venaient visiter la brasserie, qui goûtaient nos bières, donc que ce soit sur place ou dans un bar où ils l'avaient acheté. Et ils revenaient nous voir pour nous demander « Mais où est-ce qu'on peut la trouver près de chez nous ?» Et il faut leur expliquer qu'on est une petite brasserie, on ne peut pas vendre en France entière. Et donc, voilà, c'est venu comme ça assez naturellement, en fait. Il y avait de la demande, donc pour essayer de d'arranger nos clients, on a développé cette petite offre par Internet. Alors, vous faites des coffrets, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut choisir quelle bière on veut mettre dans un coffret ? Tout à fait, on peut choisir quelle bière on va mettre dans un coffret. Comme je le disais sur Internet, pour l'instant, les coffrets sont en stand-by le temps qu'on trouve quelques petites solutions de transport. Après, sur place directement à la brasserie, bien sûr, je vous fais le coffret sur mesure. Vous me dites ce que vous voulez dedans et ça va tout seul. Combien de bières on peut mettre dans un coffret ? Ça va dépendre du type de bière. En 75 centilitres, on va avoir des coffrets composés de deux bouteilles et deux verres. Et en 33 centilitres, ça va être plus des petits coffrets dégustation, on va dire. Vous allez avoir quatre petites bouteilles différentes. Est-ce que vous vendez des verres à bière ? Ouais, on va avoir deux types de verres différents en vente à la brasserie. On aura des verres à pied dégustation gravés sur le pied. Des verres qui sont vraiment géniaux, qui sont utilisables que ce soit pour le vin ou la bière, mais c'est très très agréable de boire une bière dans des verres fins, de boire la bière comme on boit un peu un bon vin, c'est très agréable. Et après on a des verres beaucoup plus sur l'originalité, nos petits verres bulles qu'on a toujours eus, ceux-ci sont en vente partout ailleurs en fait. Les verres à pied sont disponibles uniquement sur place à la brasserie et les autres vous pouvez les retrouver dans tous nos commerces partenaires encore une fois. Alors est-ce que vous avez fait appel à une entreprise pour produire vos verres ou vous le faites vous-même ? Oui évidemment, on a fait appel à une entreprise bien sûr. Alors, fut un temps, on travaillait avec du rebord qui ont malheureusement eu un problème et qui ont fermé. Aujourd'hui, on travaille avec Ayano, qui nous font la fabrique des verres. Tout ça, évidemment, on n'a pas la possibilité de le faire. Mais après, tout ce qui est design, tout ça, c'est nous qui regardons et qui leur disons ce dont on a envie, quoi. Est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas laver un verre à bière avec du produit vaisselle, mais seulement le rincer à l'eau froide ? Alors, normalement, oui, c'est vrai. Effectivement, les produits vaisselle sont gras et ça va nuire à la tenue de la mousse. Vous risquez d'avoir une bière un peu sans mousse. Alors, pour certains styles, pardon, c'est voulu. Il y avait volontairement très peu de mousse. Mais la majeure partie du temps, une bière, c'est quand même joli avec de la mousse. Donc, il faut éviter de laver ses verres avec du produit vaisselle ou alors il faut très, très bien les rincer derrière. Mais normalement, on rince juste un verre à l'eau fraîche juste avant de servir sa bière. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir moins de mousse dans un verre pour ceux qui n'aiment pas trop la mousse ? Alors, vous pouvez mettre du produit vaisselle. Sinon, comme je viens de le dire, faut pas hésiter en fait à juste rincer son verre. Et en fait, toutes les petites gouttelettes d'eau à l'intérieur, ça va, on va dire, combler toutes les petites marques et les choses comme ça qu'on peut avoir dans un verre qui va provoquer du surmoussage. Donc on peut rincer son verre au préalable et puis la bonne vieille technique, hein, incliner le verre et servir avec précaution. Alors c'est quoi une tireuse à bière ? Une tireuse à bière Eh bien, c'est une sorte de machine qui nous permet de tirer sa bière en pression à la maison. C'est un principe qui fonctionne de plus en plus, en tout cas pour notre part. On a de plus en plus de demandes. Cet été, c'était impressionnant le nombre de demandes des particuliers sur du matériel de tirage de bière avec des fûts. C'est certainement post-Covid, voilà, les mariages qui reprennent, les choses comme ça. Mais il y a beaucoup de demandes et oui, voilà, c'est tout simplement la version miniaturisée de ce que vous pourrez retrouver dans un bar professionnel. Alors, combien de litres est-ce que ça peut contenir ? Alors, pour notre part, quand vous allez prendre nos fûts avec une tireuse, ça sera des fûts de 30 litres, la majeure partie du temps, des fois des 20 litres. Mais après, bon, forcément, il y a des brasseries qui travaillent avec des fûts un peu plus gros, hein, ça peut être du 50 litres, des choses comme ça. Après, normalement, pour des particuliers, ça va jamais au-delà de 30 litres. Vous avez même maintenant des brasseries qui proposent des petits fûts de 5 litres que vous pouvez brancher directement chez vous sur des systèmes encore plus petits, vraiment dédiés pour les particuliers, les Perfect Draft, toutes ces choses-là. Alors, une fois qu'on a entamé un fût, on peut le consommer pendant combien de temps? Parce qu'à force, les bulles, elles doivent partir. Alors, ouais, c'est un petit peu le problème des fûts, on va dire. À partir du moment où il est percé, il faut quand même le consommer relativement rapidement. Après, il va y avoir, si vous voulez, vous allez avoir des tireuses qui vont avoir un compresseur et qui vont injecter elles-mêmes de l'air dans le fût. Là, bah, ça sera de l'oxygène, donc la bière va oxyder avec le temps. Vous ne pourrez pas la conserver longtemps, pas plus de 3-4 jours malheureusement. Après, vous avez des tireuses qui sont réglées avec du CO2. C'est du CO2 que vous allez mettre à l'intérieur et donc pas d'oxydation, beaucoup moins de perte de gaz. Et à ce moment-là, vous pouvez espérer conserver votre fût 2 semaines et demie, voire plus si c'est des bières qui sont vraiment très simples. Après, si jamais ça vous arrive, le fût n'est malheureusement pas terminé, mais a été entamé, vous pouvez toujours faire la bonne vieille technique. Tout le monde ramène une bouteille qui peut se fermer hermétiquement, tout le monde se sert une bouteille, et après vous avez encore en bouteille 3-4 jours pour la consommer. Donc, en fait, le mieux, c'est d'en prendre quand il y a du monde. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, oui, pour la location d'une tireuse avec des fûts, ça sera vraiment pour des événements particuliers. Et on fait des locations de tireuses qui vont être vraiment, on va dire, courtes. Les gens ne peuvent pas louer une tireuse pour 6 mois. C'est compliqué parce que nous, après, bon, bah, voilà, on a des manquants. On a des manquants et puis on peut plus... permettre à tout le monde d'avoir sa tireuse pour son événement, quoi. Donc c'est vraiment pour des courtes périodes. Et évidemment, quand il y a du monde, tout seul ou à 2-3, ça va être compliqué de boire un fût entier, c'est sûr. Alors, vous disiez que vous livrez les bières, mais est-ce que vous les livrez à domicile ou est-ce que vous faites que du click and collect? Alors, ça nous est arrivé de faire de la livraison à domicile pendant l'époque Covid, quand il y avait vraiment des difficultés pour tout le monde à se déplacer. Mais en temps normal, non, on ne propose pas ce service. Ça mettrait trop de temps, trop de contraintes. Donc on a uniquement, bon, comme je le disais, la livraison sur Internet où vous allez recevoir en point relais. Et sinon, il faudra vous déplacer et aller dans les magasins qui proposent nos produits. Est-ce que vous faites appel à un transporteur ou est-ce que c'est vous qui les livrez au point relais ? Alors, pour les points relais, on travaille en fait avec Relais Colis. Hein, c'est un système d'expédition classique. Donc non, on s'occupe, nous, uniquement d'emballer vos produits soigneusement et après, on laisse faire les professionnels de la livraison. Est-ce qu'il y a des frais de livraison, justement ? Alors... C'est l'avantage de commander sur notre site internet. On offre tous les frais de livraison sont à notre charge. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook. Je regarde et j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Vous pouvez nous contacter par mail. Alors, toutes nos adresses mail, tout ça, sont disponibles sur notre site internet. Vous avez carrément une rubrique pour nous contacter. Sinon, vous m'appelez directement ou vous passez à la brasserie dans les heures ouvrables. Voilà. Est-ce que vous avez des projets futurs avec la brasserie ? Alors, comme je le disais plus tôt, la brasserie sera vouée, voilà, à rester une petite entité, une petite usine de fabrication de bière artisanale, voilà, que ce soit pour la source, des choses comme ça. On ne sera jamais voué à devenir immense, à déménager dans des plus gros locaux. L'avenir, on le voit plutôt essayer de lier la bière au tourisme et essayer de développer plutôt le tourisme. On voit les choses comme ça. Donc, il y a des petites choses sympas qui devraient arriver. Il va falloir être un peu patient. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La question. Pas évident. Prendre du plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir d'autre? Prendre du plaisir, s'éclater dans ce qu'on fait. Et puis, se lever toujours du bon pied les matins, avoir envie d'y aller. Il y a déjà rien de mieux. Hein. C'est vrai. Alors, cette émission est maintenant terminée. Antoine, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était chouette, très chouette. Alors, j'espère que via cette émission, nos auditeurs curieux iront voir votre brasserie. J'espère aussi, n'hésitez pas, hein, n'hésitez surtout pas à passer. Ça nous fera un grand plaisir de vous faire un petit tour et de vous proposer, enfin, vous montrer nos produits. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde!